J'ai croisé un renne un peu perdu. Il savait plus où était sa rue. Il trottait dans le quartier, cherchant son équipage égaré. Le renne perdu m'a dit: viens, je veux retrouver mes copains. Alors j'ai suivi sans réfléchir, une aventure prête à s'épanouir. On a traversé tout le centre, les gens riaient en nous voyant rentrer. Dans les magasins, dans les cafés, chacun voulait le caresser. Et quand enfin il les a vus, le renne m'a tendu son salut. On a traversé